sauce. Je pensais être dans la friendzone depuis un moment, mais tu m'as fait comprendre que t'avais des sentiments. Le problème c'est que tu partages ta vie avec cet enfoiré. Je n'accepterai plus jamais de le voir t'humilier. Je suis venu au travail avec des bleus sur ton visage. Il a pris ton cœur mais il n'en faisait pas bon usage. Mes bras sont devenus ta piste d'atterrissage. Et comme t'as pour toi tu lui pardonnes. Qu'est-ce qu'il essaie de te faire croire, ma chérie? Il te fait broyer du noir, ma chérie. Laisse-le bien avec moi, ma chérie. Il ne te mérite pas, ma chérie, yeah. Chérie, ma chérie, celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Et arrive ce fameux jour où tu m'as dit je t'aime. C'était pas vraiment ta faute, c'était tout à fait légitime. Pendant ce temps, il se comportait comme si il avait des passé pour la victime. Tu venais au travail avec des bleus sur ton visage. Il a pris ton cœur mais il n'en faisait pas bon usage. Mes bras sont devenus ta piste d'atterrissage. Et comme t'as peur toi tu lui pardonnes. Qu'est-ce qu'il essaie de te faire croire, ma chérie? Il te fait broyer le noir, ma chérie. Laisse-le bien avec moi, ma chérie. Il ne te mérite pas, ma chérie, yeah. Chérie, ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Sous prétexte que tu l'aimes, tu l'as laissé t'infliger ça. Et tu continues à croire que tu as mérité tout ça. Relève-toi, garde-moi. Relève-toi, saisis-toi, chérie, ne pleure pas. Garde-moi, relève-toi, relève-toi. Chérie, ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer. Ma chérie, je suis celui qui te fera tout oublier. Ma chérie, plus jamais tes larmes on devra essuyer.